Le retour de Grand Corps Malade, c'était Retiens les rêves sur France Bleu Picardie. À 16h17, on retrouve notre invitée Pauline de Rosière. Pauline, qui, je le rappelle, a 23 ans, elle est cavalière au centre équestre du Crotoy. Elle a remporté dernièrement le premier prix du championnat de France de dressage et elle nous parle cet après-midi de sa passion. On parlait de blessures tout à l'heure, Pauline. Ça vous est déjà arrivé de tomber à cheval? C'est dangereux parfois? Je suppose que oui. Oui, alors bien sûr, l'équitation, on travaille avec l'animal, on est sur l'animal ou à côté. Ça reste dangereux. Il y a des mesures de sécurité à prendre en compte, comme par exemple le port du casque. Maintenant, ils font des très bons équipements, comme les gilets airbags. Enfin, il faut toujours rester vigilant. Mais à côté de ça, ça apporte tellement de choses, de la confiance en soi. On apprend à gérer son stress, c'est vraiment très gratifiant. Le cheval est un animal qui ne juge pas, donc il ressent énormément nos émotions, et c'est ça aussi qui est incroyable, et c'est un très beau feeling. C'est beau ce que vous dites. Et celle qui vous accompagne, c'est votre jument Blue Lady, qui n'a pas participé au championnat de France de dressage avec vous cette année, mais vous comptez l'emmener l'année prochaine. C'est ça, oui. On essaye de retourner au championnat, donc avant d'y aller, il faut se qualifier. Donc c'est tout au long de l'année, on participe à plusieurs concours dans la région. Et au bout de ces concours, selon les classements, on a la qualification ou non. Et après, pour partir au championnat de France en 2024, remettre le titre en jeu. Donc vous saurez quand, à quel moment, si vous pouvez participer avec elle? Vers mai. Voilà, bon, un peu de suspense alors. on peut aussi parler du centre équestre dont vous faites partie. Vous pouvez me redire le nom? Cavalcade. Donc au Crotoy, il y a pas mal de champions aussi qui sont passés par là. Oui, il y a déjà eu des championnes en voltige, en western. C'est quoi en western? En western. Alors le western, c'est une épreuve un peu comme les cow-boys. Là, en l'occurrence, c'était du barrel race. Donc c'est une épreuve de rapidité avec 3 bidons où il faut tourner le plus vite possible autour, en 2 go, en 2 manches. Et il y a eu une championne et cette année, nous étions deux aussi à participer au barrel race. Vous l'avez fait aussi? Oui, je l'ai fait aussi avec un autre cheval, avec Dark. Et il y avait Garance aussi, avec Naravane, qui remporte la 4e place, et moi la 6e. Mais c'est pas mal aussi, hein? Oui. et donc, vous, en termes de projet, vous comptez, on l'avait dit en début d'interview, continuer en tant que cavalière, juste en tant que passion, on va dire, et garder votre métier à côté, ce sera jamais un travail... Oui, je garde vraiment l'équitation comme pur loisir, un moment d'échappatoire. Par contre, à l'âge de 15 ans, j'ai passé un diplôme pour être animatrice poney bénévole. Donc tous les samedis matins, j'anime des cours de baby poney pour des enfants de 3 à 7 ans. Et ça se passe comment? Alors, il y a toujours une petite appréhension pour les premières fois, je suppose. Oui, mais en même temps, ça m'a permis aussi de travailler mon élocution, pouvoir prendre confiance en moi. Et une fois qu'on sait s'adresser à des enfants, on peut aussi s'adresser plus facilement à des adultes. Si un enfant comprend, un adulte... Ils sont confiants aussi. Donc ça se passe bien aussi à chaque fois pour eux. Merci beaucoup Pauline de Rosière d'être venue ici chez France Bleu Picardie pour nous parler de votre passion. Et puis on vous souhaite une bonne continuation, que ce soit dans le cheval ou dans votre vie professionnelle. Merci. Et vous retrouvez évidemment cette interview sur francebleu.fr. Bel après-midi avec France Bleu Picardie. Après le boulot, prenez un cocktail de bonne humeur. C'est le 16-18 France Bleu Picardie. Vous l'écoutez chaque matin, Patrick, vous jouez avec lui à ce nouveau jeu depuis cette rentrée, Ulmuche. D'ailleurs, on va en parler à nouveau. Tiens, peut-être un indice pour vous cet après-midi. En tout cas, on continue aussi sur France Bleu Picardie en musique avec Umberto Tutsi et Gloria sur France Bleu Picardie. Gloria, C'était Umberto Tozzi sur France Bleu Picardie. Il a toujours cette fameuse carte de carburant de 50 € pour vous. Patrick Vincent joue avec vous chaque matin de 11h à midi à ce jeu. Elle mûche, c'est tout nouveau sur France Bleu Picardie. Vous menez l'enquête pour gagner les plus beaux cadeaux avec une énigme et puis toutes vos questions pour tenter de trouver la bonne réponse. Est-ce que c'est un personnage réel? Est-ce que ça se passe dans l'Oise? Est-ce que le mûche du jour est un objet? Vous jouez ensemble et par contre, vous trouvez seule la bonne réponse. Elle mûche, c'est du lundi au vendredi à 11h sur France Bleu Picardie. Je vous rappelle, l'énigme de cette semaine, c'est filet descendant. On a bien avancé, apparemment, on gravite autour de l'ASC. Et donc, c'est une carte carburant de 50 € qui est à gagner. Vous jouez à nouveau demain à 11h avec Patrick. On se retrouve dans moins de 2 minutes pour faire un point sur l'inforoute et la météo sur France Bleu Picardie. France Bleu Picardie. Moteur, action. Chaque soir, France Bleu vous emmène dans les cinémas Picard. C'est marrant comme ta tête va pas du tout avec ton corps. Les dernières sorties, les coups de cœur des équipes, les films à l'affiche près de chez vous. Hey Marion, quoi ? Je fais une yellow ce soir, ça te dirait de pas venir ? C'est aussi chaque jour l'occasion de repartir avec vos places de ciné pour le film de votre choix. Tous les matins, je casse le vent, je fais chier les gens, ça me purifie, c'est important. Du lundi au vendredi, à 17h45 sur France Bleu Picardie, le cinéma est à l'honneur. Mettons un coup de projecteur sur les pros avec Cerise de Groupama. Mais Jacques, vous ne pouvez pas continuer à travailler avec des béquilles, voyons. Si je m'arrête, Cerise, je n'ai plus de revenus. Et si je ferme, ici, il n'y aura plus de commerce. Avec les solutions de prévoyance Groupama Pro, nous pouvons assurer jusqu'à 100% de votre revenu en cas d'arrêt de travail. Ah, mais c'est très bien, ça. Les très petites entreprises font de très grandes choses. Et chez Groupama, nous sommes là pour les soutenir. Groupama, la vraie vie s'assure ici. Offre soumise à condition. Plus d'infos sur groupamapro.fr. Savez-vous qu'il est possible de désigner le Secours Populaire Français comme bénéficiaire de votre assurance vie ? Oui, et j'ai souscrit une assurance vie en faveur du Secours Populaire. Je leur fais confiance pour agir concrètement pour un monde plus juste et plus solidaire auprès des personnes qui en ont le plus besoin près de chez moi, en France et dans le monde. Demandez notre documentation gratuite au 01 44 78 79 26 ou rendez-vous sur secourspopulaire.fr. Secours populaire, on peut donner du bonheur, on peut aussi le transmettre. Quand vous écoutez France Bleu, vous n'êtes pas n'importe où. Vous êtes chez vous. Chez vous. France Bleu, au cœur de nos régions, de nos villes, de nos villages. France Bleu Picardie, ici, on parle d'ici. Très bon mercredi avec France Bleu Picardie, il est 16h28. La météo avec un ciel toujours assez couvert, quelques averses, du vent avec des rafales qui vont jusqu'à 55 km/h cet après-midi. Il fait 16 degrés à Pont-Rémy, Saint-Quentin, 17 degrés à Amiens, à Camon, 18 degrés à Soissons, à Clermont. Et donc ce sera à peu près la même chose pour cette fin de journée ce soir. Et demain, le même temps, un ciel assez couvert, quelques rares averses et de petites éclaircies pour demain après-midi. Les températures seront assez douces, 15 degrés demain matin. L'infotrafic en Picardie avec Marie Automobile, votre concessionnaire Peugeot, Citroën, DS, Opel, Hyundai, Skoda en Picardie et sur marieautomobile.fr. On se rend sur les routes avec quelques ralentissements. Vous signalez à Amiens, route de Paris. Et puis à Beauvais, vous êtes aussi au ralenti avenue Kennedy, rue de Clermont. Et comptez 3 à 4 minutes en plus de trajet si vous êtes sur la N31 entre Wagicourt et Terdonne. Et puis pour les trains, tout va bien en gare d'Amiens, en gare d'Abbeville. Oh là, on nous annonce déjà un gros retard pour le train qui est prévu à 18h06 pour Calaisville. Déjà une heure de retard. Et pour le reste, tout va bien. Soyez prudents sur les routes. On vous rappelle le numéro 03 22 92 58 58. Info, musique, sourire, c'est le 16-18 France Bleu Picardie. Patrice Gascoigne sera avec nous avant 17h pour les coulisses TV et on va en apprendre plus sur cette série qui est de retour ce soir sur France 2, Les Invisibles. Et puis un monde sans jeux vidéo, est-ce que c'est possible? C'est la question qu'Annick Bonhomme a posée à notre show Picard. Et on va se rendre du côté de Compiègne cet après-midi. Et puis bien sûr, on va jouer, on a deux places à vous offrir pour le concert du trompettiste Ibrahim Malouf. Ce sera dimanche 29 octobre au Zénith d'Amiens, on va jouer tout à l'heure. Et juste avant ça, on va retrouver notre artiste, le chanteur mis en avant cette semaine, l'Abbevillois Lucas Parton. Ce sera dans la nouvelle scène France Bleu Picardie. On va écouter à nouveau une de ses chansons enregistrées en live avec l'équipe de France Bleu Picardie. Et avant ça, voici un beau souvenir, le duo Axel Bauer et Zazie, c'est à ma place sur France Bleu Picardie. Bel après-midi. Qu'on nous aime pour ce que nous sommes. que je t'apprenne. Je ne demande rien. Les eaux troubles où je traîne. Où tu vas, d'où tu viens. Faut-il vraiment que tu saches tout ce que tu cœurs. Le doute au fond de moi. Je n'attends pas de toi que tu sois la même. Je n'attends pas de toi que tu me. Zazie, qu'on retrouvera dans The Voice l'année prochaine. C'était à ma place avec Axel Bauer sur France Bleu Picardie. Et c'est l'heure de la nouvelle scène France Bleu Picardie. Vous le savez, chaque jour, on vous fait découvrir des artistes en live enregistrés, des artistes de notre région, avec donc des lives enregistrés par les équipes techniques de la radio. Et aussi, bien sûr, vous découvrez leur portrait, leur interview chaque week-end au micro de Valentine Costa entre midi et midi et demi. En attendant ce week-end, cette semaine, c'est donc au tour de l'Abbevillois Lucas Parton qui joue donc le jeu du live enregistré à l'espace Saint-André d'Abbeville. Il nous propose une formule piano-voix pour nous faire découvrir son univers et son deuxième album Tout Recommencer. Aujourd'hui, une reprise de Mylène Farmer. Puisqu'il faut choisir sans contrefaçon. Je suis un garçon, tout seul dans mon placard, les yeux cernés de noir, à l'abri des regards, je défie le hasard. Dans ce monde qui n'a ni queue ni tête, je n'en fais qu'à ma tête. Au creux du pantalon, je suis chevalier d'Huron. Puisqu'il faut choisir un mot doux, je peux le dire sans contrefaçon. Je suis un garçon, et pour un empire, je ne veux me dévêtir. Sans contrefaçon, je suis un garçon. Tour à tour, on me chasse de vos fréquentations. Je n'admets qu'on menace mes résolutions. Je me fous bien des qu'en dira-t-on. Je suis caméléon. Prenez garde à mes soldats de plomb. C'est eux qui vous tueront. Puisqu'il faut choisir un mot doux, je peux le dire sans contrefaçon. Je suis un garçon, et pour un empire, je ne veux me dévêtir. Puisque sans contrefaçon, je suis un garçon. Puisqu'il faut choisir un mot doux, je peux le dire sans contrefaçon. Je suis un garçon. Un empire, je ne veux me dévêtir, puisque sans contrefaçon, je suis un garçon. Sans contrefaçon, je suis un garçon. peux le dire sans contrefaçon. Je suis un garçon et pour un empire je ne veux me dévêtir, puisque sans contrefaçon je suis un garçon. Je suis un garçon. Je suis un garçon. Je suis un garçon. Je suis un garçon. Je suis un garçon. Je suis un garçon. Lucas Parton et cette belle reprise piano-voix de Sans contrefaçon de Mylène Farmer. Lucas, donc, dans la nouvelle scène France Bleu Picardie. Pour écouter l'intégralité de ce live enregistré à l'espace Saint-André d'Abbeville, mais aussi pour découvrir son parcours, rendez-vous ce samedi et ce dimanche dans la nouvelle scène en live avec Valentine Costa entre midi et midi et demi. Allez, c'est l'heure de jouer. Bah, tiens, on vous offre des places pour un beau concert, celui du trompettiste Ibrahim Malouf. Ce sera dimanche 29 octobre à 19h au Zénith d'Amiens. Deux places pour vous. Vous nous appelez 03 22 92 58 58. Évidemment, il faut répondre à une question. Et c'est celle-ci. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire d'une chanteuse. Elle a 66 ans. Elle fait partie de ce groupe. C'est comme ça. Mais qui est-ce? Vous nous donnez la réponse, c'est Didier qui vous attend au standard au 03 22 92 58 58. C'est l'anniversaire de qui aujourd'hui? Quelle est cette chanteuse? Donnez-nous son nom pour remporter vos deux places pour le concert d'Ibrahim Malouf au Zénith d'Amiens le 29 octobre prochain. Avec le 16-18 France Bleu Picardie, soyons fiers d'être Picards. Fiers d'être Picards. Et en attendant, on écoute Calogero avec Marie Poulain. Voici le hall des départs sur France Bleu Picardie, 16h41. Pancarte à la main qu'on rigole pour ne rater aucun. Calogero et Marie Poulain avec le hall des départs sur France Bleu Picardie. On va jouer avec Marcelina de Montdidier juste après ceci. 1 euro dans l'assiette. C'est votre rendez-vous sur France Bleu Picardie et sur francebleu.fr pour bien manger sans se ruiner. Une entrée, un plat ou un dessert concocté par Jean-Michel Descloux, le chef de l'atelier des saveurs à Longo. Le tout pour 1 euro par personne. Les ingrédients et la recette pas à pas. 1 euro dans l'assiette à 6h40 et 10h50 du lundi au vendredi et à 7h40 le week-end sur France Bleu Picardie. France Bleu Picardie, partenaire de Totem, le spectacle équestre des grandes écuries de Chantilly. Couleurs, danse, voltige, musiques envoûtantes et costumes flamboyants, Totem, c'est le spectacle des grandes écuries de Chantilly qui rend hommage au cheval. Totem, un spectacle pour toute la famille, chaque jeudi et dimanche jusqu'au 29 octobre. Gagnez vos places en écoutant France Bleu Picardie et sur francebleu.fr. Le département de la Somme vous invite à découvrir le Festival de Saint-Riquier. 16 concerts avec des artistes tels que Maxime Le Forestier, Thomas Dutronc Trio, l'Orchestre de Picardie et bien d'autres. Il y en a pour tous les goûts. Du 21 au 25 octobre à l'abbaye de Saint-Riquier. Programme et billetterie sur festivalsaintriquier.fr. Un événement du Conseil départemental de la Somme. Tout le 16-18 France Bleu Picardie en podcast sur l'appli ICI par France Bleu et France 3. Passe un très bon mercredi avec France Bleu Picardie. On accueille Marcelina de Montdidier. Bonjour Marcelina. Bonjour Louise. Quel temps chez vous ? Oh, ça tombe. Il pleut, c'est désastreux. Eh bien, tout pareil ici à Amiens. Heureusement qu'on avait un beau soleil ce matin. Eh bien oui, comme ça, il y en a un peu pour tout le monde. Voilà. Marcelina, on vous offre vos deux places pour le concert du trompettiste Ibrahim Malouf le 29 octobre prochain au Zénith d'Amiens. Si vous avez la bonne réponse à la question qu'on posait tout à l'heure, c'est l'anniversaire d'une chanteuse qui fait partie des Rita Mitsouko aujourd'hui. Mais qui est-ce ? Catherine Ringer. Et ben voilà, la chanteuse du groupe Catherine Ringer fête ses 66 ans. Félicitations, les deux places sont pour vous. Merci beaucoup, c'est gentil. Vous savez avec qui vous allez vous y rendre ? Ben, je ne sais pas encore, mais si je trouve personne, je ferai plaisir de la deuxième place à des gens qui m'ont fait découvrir Ibrahim Malouf. Ah, d'accord. Voilà. Donc vous suivez déjà pas mal cet artiste. Oui, et puis je l'ai découvert aussi à la télé, donc dès que j'entends Ibrahim Malouf, ben je l'écoute. Et ben voilà. Ben écoutez, profitez bien de ce concert le 29 octobre prochain au Zénith d'Amiens. Et puis, ben, vous êtes au chaud là en ce moment, ça va ? Oui, je suis au chaud. Ben, restez là, c'est très bien. À bientôt, Marcelina. Allez, à bientôt et merci beaucoup à France Bleu Picardie. Merci à vous. Oh. 16h47, c'est l'heure des Tchots Picards. Chaque jour, Annick Bonhomme pose une question à des Tchots Picards. Et aujourd'hui, ils viennent de l'institution Sévigné à Compiègne dans l'Oise. Et la question du jour est très sensible, puisqu'on a demandé à nos Tchots Picards d'imaginer un monde sans jeux vidéo. La question est, un monde sans jeux vidéo, est-ce que c'est possible ? Moi, je pense que les jeux vidéo, on peut s'en passer. C'est quelque chose qui est un passe-temps. Du coup, on pourrait le remplacer par quelque chose de plus important. Quelque chose qui pourrait plus nous cultiver ? Moi, je pense que les jeux vidéo, c'est une très bonne source de divertissement, mais je pense qu'ils ne sont pas indispensables à notre vie. Donc, je pense que si les jeux vidéo disparaîtront, on pourrait toujours continuer de vivre sans même pouvoir se divertir d'une autre façon. Pour moi, ça ne changerait pas grand-chose parce que j'y joue pas. Mais je ne pense pas que ça soit comme le téléphone, ce n'est pas quelque chose d'indispensable. On peut très bien vivre sans. Moi, je pense que ça peut permettre de se divertir au même titre que des livres ou quoi. Mais c'est pas la fin du monde s'il n'y a plus de jeux vidéo de nos jours. Et toi, comment t'imagines une vie sans jeux vidéo ? Ce serait bien, parce que mon copain passerait moins de temps sur les jeux vidéo et plus de temps avec moi. Mais j'avoue que j'aime aussi bien jouer aux jeux vidéo parfois. Je trouve que ça occupe un petit peu et ça change les idées. Et ça fait oublier le lycée. Bon, il y en a pour tout le monde. Les Tchots Picards à retrouver à 16h50 chaque jour et sur francebleu.fr. On va retrouver Patrice Gascoin dans quelques minutes avec les coulisses TV. Aujourd'hui, gros plan sur le retour d'une série policière sur France 2. Dans le 16-18 France Bleu Picardie, découvrez ceux qui font vibrer notre région. Et avant ça, je vous emmène dans les années 80 avec Mered. Voici One Night in Bangkok sur France Bleu Picardie.

France Bleu Picardie, première radio de la Somme, et numéro 1 à Amiens, il est 17h. France Bleu, 100% Picardie. Bon ben Amiens est comme un peu partout en ce moment en Picardie, il pleut, du vent avec des rafales à 50 km/h en ce moment. Et puis côté température, 16 à 18 degrés pour cette fin d'après-midi. Les infos avec vous, Marie-Gaëtane Comte. Les vols reprennent à l'aéroport de Beauvais. Après une alerte à la bombe envoyée par mail, les deux terminaux de l'aéroport ont été évacués en fin de matinée. Un millier de personnes a été mis en sécurité dans le gymnase et la salle des fêtes de Tillé, juste à côté de l'aéroport. Les voyageurs soulagés embarquent maintenant au compte-gouttes, Julien Penaud. Oui, un gros soulagement quand à 15h, le personnel de l'aéroport a annoncé enfin la réouverture de trois liaisons, Helsinki, Porto puis Figari. La fin d'une longue attente, les voyageurs étaient jusqu'à maintenant massés dans le gymnase et la salle des fêtes de la commune, sans nouvelles de la situation depuis 11h ce matin. Allongés par terre, valise en main, le regard un peu perdu, téléphone à l'oreille pour prévenir la famille et les proches, les premiers ont donc pu regagner l'aéroport vers 15h30, mais d'autres restent dans l'inconnu. On sait que 4 vols sont annulés, ça sera donc probablement l'hôtel. 8 sont eux retardés, comme celui de Prague, décalé à 19h, alors qu'il aurait dû décoller à midi. D'autres vols encore sont prévus dans la soirée, jusqu'à 22h30, comme celui de Dublin, par exemple. C'est un peu la pagaille, ici, dans les deux terminaux, mais tout est en train de rentrer dans l'ordre, nous assure la direction de l'aéroport. Les précisions de Julien Penaud pour France Bleu Picardie à retrouver sur francebleu.fr. Les aéroports de Lille, Lyon, Toulouse, Nice, Nantes, Pau, Biarritz et Strasbourg ont été aussi évacués après des alertes à la bombe. Les alertes à la bombe qui se multiplient 5 jours après l'attaque au couteau qui a coûté la vie à l'enseignant Dominique Bernard à Arras. Le ministère de l'Éducation nationale fait un nouveau bilan du nombre de perturbations dans les écoles. Lundi, pendant les hommages rendus à Dominique Bernard et Samuel Paty, il y a eu 357 perturbations et contestations des temps d'hommage. Le ministre Gabriel Attal avait précédemment fait état de 179 saisines du procureur de la République. Au Moyen-Orient, la France demande la libération de tous les otages sans délai et sans condition. 24 de nos compatriotes sont morts, 7 sont encore disparus et plusieurs probablement retenus en otage à Gaza, vient d'annoncer Elisabeth Borne devant le Sénat. Le Conseil d'État rappelle aujourd'hui qu'il revient au préfet d'apprécier au cas par cas si le risque de trouble à l'ordre public justifie une interdiction des manifestations pro-palestiniennes après l'ordre envoyé par Gérald Darmanin de toutes les interdire. La militante écologiste Greta Thunberg a été inculpée pour trouble à l'ordre public. Après une manifestation en marge d'une conférence de l'industrie pétrolière et gazière mardi à Londres, la Suédoise a été libérée sous contrôle judiciaire et comparaîtra devant un tribunal londonien le 15 novembre prochain. C'est le retour de la pluie, Louise. Exactement, il y en a pour tout le monde. Pas de jaloux, formidable, sur toute la Picardie. Et puis du vent avec des rafales qui peuvent atteindre 55 km/h en cette fin de journée. Il fait 16 degrés à Pont-Rémy, Doulan, 17 degrés à Lens, à Dury ou encore Piquigny, 18 degrés à Soissons. Et demain, ce sera à peu près la même chose, mais un peu de soleil pour l'après-midi. Les températures sont plutôt douces pour demain. On annonce 15 degrés pour demain matin. La météo 100% locale avec Meubles Boucher à Talma. 2000 mètres carrés de meubles, salons, literie et déco. À votre service depuis 1946. Retrouvez-nous sur meubles-boucher.fr. Et quelques ralentissements en ce moment à Amiens, route de Paris, rue Alexandre Dumas également. Et puis à Beauvais, des bouchons avenue Kennedy, comptez 6 minutes en plus de trajet. Et sur la N31, un temps de parcours allongé de 8 minutes quand vous êtes à Terre-Donne en direction de Wagicourt. Soyez prudents pour les trains. Un retard à vous annoncer en gare d'Amiens pour le train pour Calais-Ville prévu à 17h40. Il aura 10 minutes de retard. Et la même chose, du coup, à Ville à 18h06, le train pour Calais-Ville. Ville a aussi 10 minutes de retard. Votre fin de journée, c'est le 16-18, France Bleu Picardie. On vous propose de sortir ce week-end à Warlois Bayon pour la première fête de la pomme de terre qui a lieu donc samedi et dimanche. Et le président du comité des fêtes, Jean-Paul Play, sera avec nous. C'est notre invité cet après-midi. Et avant ça, on chante avec Florent Pagny. Voici Chanter sur France Bleu Picardie. Chante. chanter pour oublier ses peines, pour bercer un enfant, chanter pour pouvoir dire je t'aime, mais chanter tout le temps pour implorer le ciel ensemble en une seule et même église, retrouver l'essentiel et faire que les silences se brisent. En haut des barricades, les pieds et poings liés, couvrant les fusillades, chanter sans s'arrêter et faire s'unir nos voix autour du vin qui enivre, chanter quelqu'un qui s'en va pour ne pas cesser de vivre. Quelqu'un qui s'en va pour ne pas cesser de vivre. Chanter celui qui vient au monde l'aimer, ne lui apprendre que l'amour en ne formant qu'une même ronde. Chanter encore et toujours, un nouveau jour vient d'éclore, pouvoir encore s'en émerveiller, chanter malgré tout. Florent Pagny avec Chanter sur France Bleu Picardie. Bonjour Jean-Paul. Bonjour. Vous êtes notre invité cet après-midi. Vous êtes président d'OTS, Organisation Tradition Spectacle. Et avec vous, on se rend à Varlois-Bayon ce week-end. C'est une première pour vous organiser la fête de la pomme de terre. Qu'est-ce qui a fait que vous êtes décidé à faire cet événement pour la première fois? Ben, je vais tout vous dire. Bah, dites-le. C'est le pays, Varlois-Bayon, c'est le pays de la pomme de terre. Déjà, bah oui. À 3 km, il y a Bézieux, après, à Hénoncourt, tout autour, il y a des grands producteurs de pommes de terre qui sont avec moi dans l'organisation de cette première fête de pommes de terre. Et donc, là, en ce moment même, d'ailleurs, je crois qu'on est en pleine récolte, hein. Tout à fait, tout à fait. Ça se termine. J'ai fait le ramassage ce matin, je peux vous dire que ben c'est des belles pommes de terre. Hein. Vous êtes vous-même agriculteur, Jean-Paul ? Non, non, je suis organisateur d'événements. Je fais la fête des géraniums, marché au foie gras, vous voyez, la fête de l'endive. Et puis là, la mairie m'a demandé d'organiser pour eux, avec Jean-Pierre Ducoroy, le président du comité des fêtes, et Frédéric Martin, le maire, d'organiser une grande fête pour eux. Et puis, ben, j'ai pris donc... la pomme de terre comme thème, et puis derrière ça, on peut faire de la bonne gastronomie, on peut mettre en valeur le goût et la qualité de la pomme de terre, donc vous voyez, et autour de ça, on brode, on fait un concours la plus grosse pomme de terre, la plus grande et plus sûre au couteau, concours de bisteux, soirée bisteux. Vous trouvez où toutes ces idées, Jean-Paul ? Oh, comme ça, la nuit, je me lève, j'écris. Donc oui, dites-nous en détail, qu'est-ce qu'il y a au programme ? Alors, il y aura la vente à des prix défiant toute concurrence de pommes de terre. Ben, bien sûr. Hein. Ça, les gens feront de bonnes affaires, je peux vous le dire. Et puis après, il y aura un marché, il y a 11 producteurs qui sont présents. Il y a un marché des produits régionaux. Hein, mm-hmm. Vous avez Régnier Nature avec du matériel motoculteur et tout. Nous avons une grande arracheuse de pommes de terre, bien sûr. Une exposition de voitures, ancienne, des métiers d'art, des jeux pour les enfants, des vrais jeux gonflables, tout pour les petits. Ils auront vraiment tout pour se réjouir. Et puis avec restauration, buvette sur place, évidemment, et des thés dansants, je crois. Oui, alors, restauration avec des frites maison. Ah, bah oui, important. Bien sûr. Hein, alors, donc, fait par Dédé la frite, un gars qui ne fait que ça, qui fait des super frites, qu'on a choisi pour ça. Et ça, pour ceux qui s'y connaissent un peu, les frites seront faites avec des pommes de terre Artemis. Ah, oh, bah, c'est les meilleures, presque. Voilà, il y en a pas mal. Il y a plusieurs sortes de. Ouais, non, voilà. Et puis là, on fait un thé dansant, le repas, on met en valeur la pomme de terre au four avec la samba. Ah, samba pomme de terre, c'est vos programmes, ça. Ah oui, ça. Au four, ça c'est merveilleux. Ça, avec une salade d'endives, on se régale, là. Et donc, avec plusieurs artistes qui seront là pour cet thé dansant, on peut encore réserver, c'est samedi et dimanche. Ah oui, il y a encore quelques places. Samedi soir et dimanche midi. Oui, voilà. Eh ben merci beaucoup pour ce beau programme, Jean-Paul Play. On retrouve toutes les infos sur les réseaux sociaux et puis sur Internet, bien sûr. Bien sûr, et c'est ce week-end 21 et 22 octobre. De 10h, 18h. À Varlois-Bayon, la première fête de la pomme de terre. Merci Jean-Paul, à bientôt. À bientôt, au revoir. Passez un bel après-midi avec France Bleu Picardie. Chaque jour, on vous propose des idées sorties. D'ailleurs, on va continuer avec l'agenda, avec un beau programme, spectacle, concert, de grands artistes qui seront chez nous dans quelques jours. Et puis un humoriste qui nous vient tout droit du Jamel Comedy Club. France Bleu Picardie. Chaque samedi, France Bleu passe au vert dès 11h. Annick Bonhomme. Et on s'intéresse ce samedi à l'écomobilité scolaire. L'objectif, limiter l'usage de la voiture individuelle entre la maison et l'école. Et si on allait à l'école à pied, à vélo ou en covoiturage, comment faire ? Eh bien, on en débat avec l'association En Savoir Plus, avec la ville de Saint-Quentin et la communauté d'agglomération de Creil-Sud-Oise. Le samedi, 11h midi, Planète Bleue s'engage en Picardie sur France Bleu. France Bleu Picardie soutient les talents musicaux picards. Salut, c'est Flamme sur France Bleu Picardie. Que Marianne était jolie quand elle marchait dans les rues de Paris en chantant à pleine voix. Ça ira, ça ira. Oui, ça ira, ça ira. Toute la vie. Flamme, un artiste amiénois. Les talents musicaux Picard s'expriment chaque jour à 16h35 dans la nouvelle scène France Bleu Picardie. Chez Ixina, on met toute notre énergie pour vous faire des économies. Alors en ce moment, on vous offre jusqu'à 6 électros sur votre cuisine équipée. Et pas n'importe lesquels, des électros de classe A, B, C et D. Ixina, oui à vos rêves. Conditions en magasin ou sur Ixina.fr. Ixina Amiens, avenue de l'Arc à Longo. France Inter présente Quels parents sommes-nous ? L'éducation positive en question. Une conférence interactive animée par Ali Rebi. Quels outils favorisent une communication efficace parents-enfants ? Et que vaut aujourd'hui l'éducation positive à l'épreuve de la vie quotidienne ? Rendez-vous demain à 20h avec mes invités, pédiatres, psychologues et chercheurs, pour parler parentalité et proposer des solutions pour les parents et les enfants. Une soirée unique à la Maison de la Radio et de la Musique, à vivre en direct en ligne. Informations et réservations sur franceinter.fr. Avec la MAE, le spécialiste de la protection de l'enfant et de la famille, numéro 1 de l'assurance scolaire. Par ici les sorties, c'est le 16-18 France Bleu Picardie. On se retrouve pour votre agenda juste après ceci. M. Pokora, parce que c'est toi sur France Bleu Picardie, 17h15. Tous nos rires d'avant, chaque jour me reviennent comme un flash au réveil. Je sais dorénavant, si t'es tout ce qu'il me reste, la vie en vaut la peine. Me reviennent comme un flash au réveil. Je sais dorénavant, si t'es tout ce qu'il me reste, la vie en vaut la peine. Le plus beau cadeau que la vie m'ait fait, évidemment c'est toi. On aura des victoires malgré nos défaites. Je resterai là et dans tes beaux yeux je vais y semer des millions d'étoiles. N'oublie pas, n'oublie jamais. Je réveille, je sais dorénavant, si t'es tout ce qui me reste, la vie en vaut la peine. Juste parce que c'est toi. Je t'ai dans le cœur, je t'ai dans la tête. Je te vois partout, tes yeux dans mes yeux et le temps s'arrête. J'en deviens fou, quand j'étais cassé, t'as su me donner un nouveau souffle. J'oublie pas, non j'oublie jamais. Je peux pas douter, dès que je t'ai vu, j'ai su que t'étais la bonne. Tombée du ciel, j'étais perdu, mais t'as su changer la donne. Partout où je vais, je sens ta présence, j'entends ta voix qui résonne. J'ai besoin de toi pour exister. M. Pokora avec Parce que c'est toi sur France Bleu Picardie. Un beau week-end nous attend avec des concerts, des spectacles en Picardie, notamment du côté de Noyon, également à Amiens, et puis on va se rendre à Laon. Votre agenda, avec d'abord un concert à vous proposer, celui d'Arthur H au Théâtre du Chevalet à Noyon. C'est demain soir à 20h30, donc même avant le week-end. Il va vous présenter La Vie, son dernier recueil de chansons dans ce 17e album. Ses textes sensibles, coécrits avec sa compagne, naviguent à travers des balades poétiques, laissant place à notre imagination. Autant de titres qui passent par différents stades de notre existence et nous renvoient à l'univers de cet artiste. Et puis elle sera au Zénith d'Amiens. Je vous parle de Jane. Après 4 ans d'absence, loin de la scène et de son public, elle est de retour. Elle revient avec un nouvel album dont elle est fière, un juste équilibre entre électro, pop et folk. Jane sera donc ce vendredi soir au Zénith d'Amiens. Et on termine par une touche d'humour avec Jimo, qui sera avec son spectacle de stand-up Jimo à 100% au théâtre Guy Sabatier à Laon. Il a fait ses débuts au Jamel Comedy Club. Il est toujours accompagné de son bob rouge sur la tête. Jimo ne fait pas du stand-up de quantité, mais de qualité. C'est lui qui le dit. Il n'est pas pressé, mais il est drôle. Et il dit, rien ne sert de courir, il faut vanner à point. Il y en a qui croient au Père Noël. Moi, j'ai un doute sur ce mec. Quoi. Un jour, j'essaie de le piéger. Quoi. Avant Noël, j'ai laissé des cookies chez moi et du lait. Et j'ai empoisonné le lait. Et le lendemain, j'ai ramassé mon frère. Jimo sera donc en spectacle ce vendredi à Longe, je vous le rappelle, au théâtre Guy Sabatier. Et c'est à 20h30. Et puis pour bien terminer cet agenda, on a un cadeau à vous offrir. 4 places de hockey pour aller voir les Gothiques, les Spartiates de Marseille. Donc Gothiques contre Spartiates, vendredi 20 octobre à 20h15 au Coliseum. Et pour gagner vos places, c'est donc au 03 22 92 58 58 qu'il faut nous appeler maintenant. Et on continue sur France Bleu Picardie avec Bronski Beat. Tout de suite, c'est Small Town Boy. Bel après-midi, très bon mercredi. Bon plan sortie, actu musique, ciné et cadeau. Vous écoutez le 16-18 France Bleu Picardie. Vos fins d'après-midi, 100% bonne humeur. Bronski Beat sur France Bleu Picardie avec Small Town Boy. Félicitations à notre gagnante Marjorie de Poix-de-Picardie qui remporte ses 4 places de hockey pour aller voir les Gothiques contre les Spartiates de Marseille. Ce sera ce vendredi au Coliseum. On vous rappelle un rendez-vous à ne pas manquer cette heure-ci sur France Bleu Picardie, puisque chaque jour, eh bien, on vous propose un éphéméride en Picard. Et c'est notre Françoise Desmarais qui vous parle de patrimoine, de fierté locale, qui vous raconte des histoires autour de la date du jour, le dicton, les anniversaires et puis surtout du sourire. L'éphéméride en Picard, je vous le rappelle, c'est chaque jour à 6h10 sur France Bleu Picardie et en podcast sur francebleu.fr et sur l'appli ICI. On se retrouve dans 2 minutes pour faire un point sur l'inforoute et la météo. France Bleu Picardie. Chaque matin, démarrez votre journée avec le 6-9 France Bleu Picardie. Maxime Schneider. Dans la bonne humeur avec tous vos rendez-vous et notamment des idées sorties comme le Vidéo Mapping Festival qui se clôture à partir de demain jusqu'au 21 octobre à Amiens. On en parlera avec le directeur. Des cadeaux aussi pour vous et notamment vos places pour le concert de Thomas Dutronc dans le cadre du Festival de Saint-Riquier. Le 6-9, votre réveil 100% local sur France Bleu Picardie. France Bleu Picardie soutient les talents musicaux Picards en live. Grincheux. Au départ, on était tous pareils. Pas dans le paraître, mais tout dans l'appareil. J'suis pas dans la paresse, des souvenirs m'apparaissent. Je me dis à quoi apparel. Je mets ma parka et ma paire de Pharrell. Je mets ma parka et ma paire de Pharrell. De toute façon, on a ce qu'on mérite. Mon rap approche la trentaine, mais je sais pas de qui il hérite. Toujours la même rengaine. Des soirs entiers à écouter des instrus pour trouver l'inspi. Même si parfois désastre, au cœur des astres, je m'enfuis. Enfoui dans la gova, j'écoute ce que j'ai à Icordo Studio. Je me dis que ça pourrait vous plaire tout en faisant l'idiot. Sur une prod classico, higo chez nous, pas de sicou. Tu nous reverras pas de sitôt. J'écoute pas d'espacito. Flash de sky dans bouteille, taquille. M'interromps pas, tu t'es pris pour qui toi? Moi je viens pas de la test, mais c'est pas grave. Frère, que des faux. Vrai, faut distinguer les faux. Frère, éteint la nuit, les fauves. Grincheux, un rappeur amiénois. Découvrez les talents musicaux de notre région chaque soir à 16h35 dans la nouvelle scène France Bleu Picardie. Moteur, action! Chaque soir, France Bleu vous emmène dans les cinémas Picard. On tourne en merde, on tourne en merde, on tourne en merde, on tourne en merde. Les dernières sorties, les coups de cœur des équipes, les films à l'affiche près de chez vous. La famille, ça va? Ça va, Imhotep. C'est aussi chaque jour l'occasion de repartir avec vos places de ciné pour le film de votre choix. Donnez-moi un chocolat. Non, pas de bras, pas de chocolat. C'est une vanne, hein? Non, je déconne. Du lundi au vendredi, à 17h45 sur France Bleu Picardie, le cinéma est à l'honneur. Préférez MAF Pro. Toi qui es chef d'entreprise, t'as pas peur? Peur de quoi? Ben, je sais pas, si toi ou un de tes salariés provoquait des dommages chez un client, ça peut te coûter très cher. T'inquiète, même les pros ont droit à l'erreur. Avec la garantie responsabilité civile de mon contrat MAF Pro, je suis couvert. Voilà pourquoi je préfère MAF Pro. Et du 2 au 31 octobre, profitez de 3 mois gratuits sur votre nouveau contrat multirisque pro. Conditions de l'offre sur MAF.fr. IKEA. Attends, attends, t'es prêt là? Tada! Waouh, sympa la déco, mais on est où? Bon, mon amour, on est chez nous. Ah ouais, t'as vraiment fait plein de bonnes affaires. Aménagez votre intérieur à petit prix avec nos bonnes affaires. Jusqu'au 9 novembre, avec la carte gratuite IKEA Family, la chaise d'extérieur Ascolmen est à 20€ au lieu de 40. Conditions sur IKEA.fr. Vous êtes à la recherche d'un emploi ou en reconversion professionnelle? Formez-vous au métier qui recrute. Demandeur d'emploi, la région Hauts-de-France finance à 100% votre formation. Avec la région, je me forme au métier de demain. Plus d'informations au 0800 026 080 ou sur www.hautdefrance.fr. Quand vous écoutez France Bleu, vous n'êtes pas n'importe où. Vous êtes chez vous. Chez vous. France Bleu, au cœur de nos régions, de nos villes, de nos villages. France Bleu Picardie, ici, on parle d'ici. Belle fin d'après-midi avec France Bleu Picardie, il est 17h29. Vous l'avez remarqué, il pleut, je ne vous apprends rien. Et le vent est aussi bien présent avec des rafales à 55 km/h. Il fait 16 degrés du côté de Saint-Quentin, 17 degrés à Amiens, ou encore Piquigny, 18 degrés à Compiègne, Beauvais. Demain, ce sera à peu près la même chose, un ciel bien couvert, quelques averses demain matin. Et puis un ciel partagé entre nuages et éclaircies l'après-midi. Pour les températures, il fera plutôt doux, puisqu'on annonce 15 degrés en moyenne sur toute la Picardie pour ce jeudi matin. L'infotrafic en Picardie avec Marie Automobile, votre concessionnaire Peugeot, Citroën, DS, Opel, Hyundai, Skoda en Picardie et sur marieautomobile.fr.

dans l'heure, j'ai dû me planter dans la saison. Reste à savoir si on trace un trait, un point dans notre espace. Si j'ai pas toute ma raison, si j'ai toujours raison. Tu sais, j'ai pas toute ma raison, si j'ai toujours raison. Tu sais, j'ai pas toute ma raison, si j'ai toujours raison. Tu sais, j'ai pas toute ma raison. Louise Attaque sur France Bleu Picardie avec ton invitation. Le département de la Somme vous invite à découvrir le Festival de Saint-Riquier. 16 concerts avec des artistes tels que Maxime Le Forestier, Thomas Dutronc Trio, l'Orchestre de Picardie et bien d'autres. Il y en a pour tous les goûts. Du 21 au 25 octobre à l'abbaye de Saint-Riquier. Programme et billetterie sur festivalsaintriquier.fr. Un événement du Conseil départemental de la Somme. Avec le 16-18 France Bleu Picardie, faites le plein de bons plans loisirs et d'idées sorties. Et c'est l'heure à 17h42, votre rendez-vous cinéma. Avec notre invité Cédric Fusée. Bonjour Cédric. Oui, bonjour Louise, bonjour à tous les auditeurs. Vous êtes le directeur du cinéma rural Oise à Beauvais et vous nous partagez deux coups de cœur, deux événements qui ont lieu chez vous avec d'abord une ciné-rencontre le 23 octobre prochain avec un très joli film qui est sorti en septembre dernier. Oui, ça s'appelle Un métier sérieux avec du réalisateur Thomas Litti qu'on aime beaucoup puisque pour son film Médecin de campagne, il était venu le présenter en personne dans le circuit de ciné rural. Et donc ce métier sérieux, pour une fois, il change un peu d'univers en passant de celui de la médecine et des hôpitaux à celui du collège et des professeurs. Et donc il dresse un très beau portrait d'une équipe de professeurs dans un collège de banlieue parisienne. Avec notamment François Cluzet, Vincent Lacoste, on écoute un petit extrait. Ok, vous posez vos affaires par terre, on fait tout ensemble, on s'entraide, d'accord ? T'as toujours voulu être prof ? Sur tous mes bulletins, il y avait écrit « ne fera jamais d'études longues ». Mais finalement, je me débrouille. On change les équipes ! Ça va mieux avec tes quatrièmes ? Ils m'épuisent. Je les trouve même méchants par moments. Je peux savoir ce qui va pas ? Les cours sont chiants, les cours sont plombés, les gamins s'emmerdent, et moi aussi, je m'emmerde. Tu crois que tu sais, mais en fait, tu sais pas. Le pire, c'est que tu sais même pas que tu sais pas expliquer ce que tu sais. On distingue deux grandes catégories de volcans. Lesquelles ? Moi, j'ai trouvé que votre cours était assez ennuyeux. Toi, t'as toujours eu la vocation ? Personne n'a l'air au début. Il arrive quand t'es balancé dans un collège et puis que tu découvres que t'es à ta place. Vous savez s'il y a des frites ? C'est le jeudi, les frites. C'est le mardi. Ça a toujours été le jeudi. Eh, hey, les frites, c'est le mardi ? Voilà. Attends, mardi dernier, il y avait des frites, je suis désolé. Et donc, dans ce joli film Un métier sérieux, si j'ai bien compris, on découvre l'histoire de Benjamin, un professeur remplaçant qui va intégrer un collège. C'est un jeune professeur remplaçant qui a un peu de mal au début et qui trouve ses marques grâce à ses collègues, notamment William Lebouil, là qu'on a entendu à la fin, qui est le pas sérieux de la bande. Donc c'est une très jolie équipe de professeurs auxquels on s'attache au fur et à mesure du film et avec tous les acteurs fétiches de Thomas Litti. Et alors comment ça va se passer cette ciné-rencontre ? Oui, alors c'est la deuxième qu'on va faire autour de ce film. On a essayé de recruter, entre guillemets, des professeurs du collège de Breteuil. Donc cette séance-là de lundi prochain a lieu au centre Jules Verne de Breteuil. Et avec des professeurs, ils seront au moins trois du collège, qui sont des amis de nos bénévoles sur place, avec qui des fois on fait aussi des séances scolaires, qui vont se présenter en début de séance, qui vont regarder le film avec les spectateurs. Et qui témoigneront après la projection, qui répondront aux questions des spectateurs pour dire si le film reflète la réalité ou si c'est différent pour eux. Donc ce sera ce lundi 23 octobre à 20h à Breteuil, c'est ça ? C'est bien ça. Et puis une dernière idée sortie ce soir, cette fois-ci avec une autre ciné-rencontre avec l'acteur Thomas Gloria pour le film Tony en famille. Ça parle de quoi ce film ? Alors ce film, c'est le portrait d'Antonia, qui est surnommée Tony, qui est la mère de 5 adolescents, interprétée par Camille Cotin, qui décide de se recentrer sur elle-même après toute une vie consacrée à sa famille et aux autres. Et donc Thomas Gloria, c'est un acteur qu'on a déjà pu accueillir aussi à Ciné Rural, qui jouait dans Jusqu'à la Garde, qui avait été même nominé au César pour ce film. Et donc qui nous fait le grand plaisir, le grand honneur d'être présent ce soir à Courcelles-lès-Gisors pour pareil, répondre aux questions des spectateurs après la projection. Est-ce qu'il reste encore quelques places ? Oui, il y a une billetterie sur place, on ne prend pas de réservation, donc il suffit d'arriver. Donc ce soir, c'est à 20h30 à la salle des fêtes de Courcelles-lès-Gisors, d'arriver 5-10 minutes avant et d'acheter vos billets sur place. Merci beaucoup Cédric Fusée, directeur du cinéma rural Oise à Beauvais, pour ces deux très beaux coups de cœur. Et puis on vous retrouve bientôt dans notre rendez-vous cinéma, on espère. Avec grand plaisir, à bientôt. À très vite sur France Bleu Picardie. Et c'est l'heure de jouer pour aller voir le film de votre choix dans le cinéma Picard de votre choix. Tout à l'heure, on parlait de François Cluzet dans le film Un métier sérieux. Eh ben tiens, une question en rapport avec François Cluzet pour gagner vos deux places de cinéma. Dans quel film joue-t-il le rôle de Max, un riche propriétaire d'un hôtel-restaurant qui invite chaque année ses amis dans sa maison au Cap Ferré? Vous avez trois choix de réponse: l'hôtel à la plage, les bronzés ou alors les petits mouchoirs. Quelle est la bonne réponse? 03 22 92 58 58 pour gagner vos deux places de cinéma. Notre région côté loisirs et sorties, c'est le 16-18 France Bleu Picardie. Et voici Stéphane maintenant et Petit K avec Mieux comme ça sur France Bleu Picardie. J'ai commencé par enlever ta photo qui s'affichait au-dessus de ton numéro, où t'avais ce sourire subtil, moitié de face, moitié de profil, prise au hasard dans ce resto. Il m'a fallu ôter ma bague, passer l'or de tes plans dragues, où t'avais fini par me séduire de ces longues heures et de ces fous rires et tes regards entre deux blagues. Mais les jours ont filé en moins de deux, la flamme s'est éteinte dans nos yeux. Et toi, est-ce que tu crois? Partageant les torts et les fautes, en se séparant l'un de l'autre, est-ce que c'est mieux comme ça? Est-ce que c'est mieux comme ça? Est-ce que tu crois que c'est mort? Est-ce que tu crois qu'on a tort de faire ça? On se voyait devenir vieux, est-ce que tu penses que c'est mieux comme ça? Est-ce que tu crois que c'est mort? Est-ce que tu crois qu'on a tort? C'est fou, mais partout je passe, je peux encore te suivre à la trace. Chaque minute, chaque heure, chaque jour qui passe, je ressens ton reflet dans la glace. J'ai encore tes graines dans mes placards, tes laines dans mes armoires, tes crèmes dans mes tiroirs, tes scènes dans ma mémoire et tes peines dans mes cauchemars. Les jours ont filé en moins de deux, la flamme s'est éteinte dans nos yeux. Et toi, est-ce que tu crois? Partageant les torts et les fautes, en se séparant l'un de l'autre, est-ce que c'est mieux comme ça? Est-ce que c'est mieux comme ça? Est-ce que tu crois que c'est mort? Est-ce que tu crois qu'on a tort de faire ça? On se voyait devenir vieux, est-ce que tu penses que c'est mieux comme ça? C'est mort, est-ce que tu crois qu'on a tort de faire ça? On se voyait devenir vieux, est-ce que tu penses que c'est mieux comme ça? La chanteuse Stéphane et Petit K avec Mieux comme ça sur France Bleu Picardie. C'est l'heure de jouer avec Cynthia de Puzeau. Bonsoir Cynthia. Bonsoir. Qu'est-ce que vous faites de beau cette heure-ci ? Eh ben, je viens de m'arrêter, je suis sur la route du retour à la maison après le travail, mais bon, bien sûr, je me suis arrêtée. C'est bien, vous êtes très prudente, Cynthia, c'est déjà une bonne chose. Vous faites quoi dans la vie ? Je suis assistante de direction. Et vous travaillez donc du côté de Puzeau ? Oui, alors sur Péronne, exactement. Et vous rentrez au chaud à la maison, vous avez bien raison. Cynthia, oui. Pour gagner vos deux places de cinéma, il faut répondre à cette question. Dans quel film François Cluzet joue le rôle de Max, un riche propriétaire d'un hôtel-restaurant qui invite chaque année ses amis dans sa maison en Cap Ferré ? C'était l'hôtel à la plage, les bronzés ou les petits mouchoirs ? C'est les petits mouchoirs. C'est une bonne réponse. Vous l'avez vu ? Oui, tout à fait, plusieurs fois même. Le deuxième aussi ? Oui, également. Ah, bah oui, également. On adore avec toute l'équipe, Marion Cotillard. Il y avait Jean Dujardin aussi dans ce film, un petit peu. Et d'autres acteurs et actrices très connus dans Les Petits Mouchoirs. Bon, félicitations, Cynthia, on a deux places pour Merci. Vous. Ça, c'est fait, comme on dit. Mais ce n'est pas fini, Cynthia. On a une deuxième question pour vous. Si vous la prenez, vous avez deux places en plus, donc ça vous fait 4 places au total. Et par contre, si vous avez la mauvaise réponse à cette question, vous perdez tout, vous perdez les 2 places que vous venez de gagner. Alors, je peux juste vous dire que ça concerne toujours François Cluzet et un film bien, bien connu dans lequel il a joué. Ça peut le faire. Après, je dis ça, je dis rien. Ah, c'est tentant. Joueuse ou pas joueuse ? Alors, je suis plutôt joueuse. Oh, bah, allez-y, alors. Allez, je vais tenter. On aime ça ici. Allez. Alors, la question est... François Cluzet, on l'a vu dans Intouchables. Mais alors, qui joue le rôle de Driss, son auxiliaire de vie ? 3 choix de réponse. Jean Dujardin, Vincent Cassel ou Omar Sy ? Alors, ça va, ça tombe bien. C'est Omar Sy. Ah bah voilà, c'est une bonne réponse. C'était pas compliqué. Elles sont pas toujours très, très dures, hein, les deuxièmes questions. Ça veut pas forcément dire que c'est ça va être vrai, très, très dur. Hein. J'ai l'occasion de l'écouter régulièrement votre radio et souvent les gens sont plutôt prudents mais bon là vous m'avez indiqué qu'il y avait possibilité de doubler alors j'ai tenté et j'ai bien voilà, fait. Faut prendre des risques dans la vie Cynthia. Et ben vous avez 4 places de cinéma du coup. Super. Bah merci beaucoup. Et ben écoutez profitez-en merci bien. À France Bleu Picardie. Et puis belle soirée sous le pilou pilou on est d'accord. C'est ça, tout à fait. C'est un beau programme. C'est un beau programme Cynthia Buzeux. À bientôt merci. Sur France Bleu Picardie. À bientôt. Merci. Au revoir. Le 16-18 France Bleu Picardie, un happy hour à consommer sans modération. Évidemment, on rejoue demain à la même heure pour gagner vos 2, voire 4 places de cinéma. Voici Christophe Maé avec Je me lâche sur France Bleu Picardie. Bon début de soirée. Non, c'est pas que je n'aime pas mon job, mais j'en peux plus d'être au service de mon boss. J'ai de lui dire vous êtes aussi con que moche. Donc y'a des jours où je me lâche et j'envoie tout foutre en l'air. Ouais, je veux que l'on me lâche, j'ai besoin de prendre l'air. Si je les écoute, je finirai dans les rangs. C'est pas que je Christophe Maé avec ce souvenir de 2010. C'était Je me lâche sur France Bleu Picardie. 100% sport approche avec notre invité ce soir, Bruno Morino, président du rugby club de Noyon, qui dit Coupe du Monde de rugby, dit invité rugby, évidemment. Donc on va parler de ce sport, de ce club, et puis de Bruno aussi. On va faire un petit portrait de Bruno ce soir, et puis bien sûr, on va jouer ensemble, et on vous offre votre ballon de rugby France Bleu Picardie. Ce sera donc dès à peu près 18h05, après les infos, jusqu'à 19h, 100% sport sur France Bleu Picardie. Et donc on revient à 18h pour le retour de l'info, l'inforoute et la météo. Tous les sports sont sur France Bleu Picardie. 100% sport jusqu'à 19h. La radio qui vous couvre de cadeaux, c'est France Bleu Picardie. Bon, il paraît que vous avez passé un bon week-end avec votre petite fille. Vous êtes allé voir. Peppa Pig. Oh, c'est super bien. Tous les enfants ils étaient ravis. Peppa Pig, vous connaissiez le dessin animé, vous, Colette? Ah oui, bah, avec ma petite fille, Miraculous, un peu de tout. Hein. Elle était très très contente. Et Peppa Pig a fait comment, Colette? Oh, vous êtes la meilleure Peppa Pig, ma petite Colette. Je vous adore. Place de foot, de hockey, de concert, de théâtre, de spectacle, vous aussi. Écoutez France Bleu Picardie chaque jour et faites-le plein d'émotions. France Bleu présente la comédie musicale incontournable Le Roi Lion. Applaudi par plus de 850 000 spectateurs, toutes générations confondues, la troupe du Roi Lion revient pour une troisième année sur la scène du Théâtre Mogador. Un spectacle grandiose. Le Roi Lion, uniquement au Théâtre Mogador à Paris. Avec France Bleu. Le week-end dès 10h, t'es de main coin sur France Bleu Picardie. Françoise Desmarais, Maxime Schneider. Bonjour Mathieu de Françoise. Bonjour Maxime. Ce week-end, notre invitée d'honneur est Charlotte Cresson, la toute nouvelle Miss Picardie, élue à Beauvais il y a quelques jours. Elle va représenter notre région à l'élection Miss France en décembre prochain. Elle est originaire de Nesle, elle est opticienne et elle est passionnée d'équitation. Tous vos rendez-vous seront là aussi, l'éphéméride, les Picards remarquables, la Tchotte Histoire et les mots Picards à démucher. Chaque week-end, 10h-11h, le meilleur de la Picardie, c'est Edmain Coin sur France Bleu. France Bleu Picardie soutient les talents musicaux Picard. Thomas Sidibé. Shining, elle est chaîne pour haut, chalala. Shining, elle est luisante comme les yeux du chat. Shining, elle est chaîne pour haut, chalala. Shining, elle est la joie tout autour de toi. Shining, elle est so. Thomas Sidibé, un artiste amiénois. Rendez-vous chaque jour à 16h35 et sur francebleu.fr pour découvrir les talents musicaux Picard dans la nouvelle scène France Bleu Picardie. MMA, business entreprise. Jusqu'au 25 novembre 2023, 50% offert sur l'assurance dirigeant. MMA. Moins 50% sur la première cotisation annuelle. Conditions en agence. Je te dis que je t'aime. Certaines phrases sont tellement plus belles quand elles sont chuchotées. Ce serait dommage de s'en priver. Parce que vous méritez d'entendre le moindre chuchotement, on vous offre le dernier cri. Et oui, chez Écoutez Voir, les aides auditives libres de la gamme Confort ne vous coûtent rien. Et en plus, le bilan auditif est gratuit. Alors n'attendez plus pour bien entendre. Écoutez Voir, optique et audition. Mutualiste. Dispositif médical, demandez conseil à votre audioprothésiste. Lire attentivement la notice. Dans le cadre du 100% santé, bilan à but non médical. Point de vente soumis au code de la mutualité. Conditions sur écoutezvoir.fr. La Nostalvie, c'est le nouveau livre de Patrick Sébastien. Mon nouveau livre, je l'ai appelé La Nostalvie, à ne pas confondre avec la nostalgie. La Nostalvie, c'est rose et jaune comme le soleil, c'est faire un pas en arrière pour mieux aller de l'avant. Et crois-moi, on en a bien besoin. La Nostalvie, de Patrick Sébastien, un récit à savourer. Un livre XO. France Bleu, connecté à notre région. Ici, c'est France Bleu Picardie. Bon début de soirée avec France Bleu Picardie, première radio de la Somme et numéro 1 à Amiens. Il est 18h. France Bleu, 100% Picardie. On termine la journée sous la pluie avec du vent, des rafales à 50 km/h. Et il fait en ce moment 15 degrés du côté d'Abbeville, Pont-Rémy, 16 degrés à Lens, Amiens, Montdidier ou encore 17 degrés du côté de Clermont. Les infos avec Maritane Comte et les vols reprennent à l'aéroport de Beauvais. Après une alerte à la bombe envoyée par mail, les deux terminaux de l'aéroport ont été évacués en fin de matinée. Les passagers ont été mis en sécurité dans le gymnase et la salle des fêtes de Tillier, juste à côté. Près de 2000 personnes ont été impactées par cette alerte. Sur une cinquantaine d'allers-retours, seuls 4 vols ont été annulés. Les voyageurs soulagés embarquent maintenant au compte-gouttes. Marine est contente que ça se termine. Avec ses enfants et son mari, ils peuvent enfin décoller pour Porto. On a attendu et on est content de pouvoir décoller enfin. Bon, on a été vite pris en charge parce qu'on a les enfants, donc du coup ils nous ont fouillés en premier et on est passé directement dans le gymnase. Donc ça va. On a été vite fouillés et mis à l'abri. Et là ça va, ça se finit bien. Ouais, franchement ça va. Je pensais que ça allait être plus long que ça. Donc c'est cool. On va pouvoir embarquer et les enfants ils vont pouvoir être à l'abri et manger correctement. Des propos recueillis par Julien Penaud pour France Bleu Picardie. Les passagers détournés vers la Belgique vont rejoindre Beauvais en bus dans la soirée. On n'a pas besoin d'agitateurs, on n'a pas besoin de ça par les temps qui courent, vient de marteler le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti. Plusieurs lieux ont fait face à des alertes à la bombe ces derniers jours. Pour rappel, une fausse alerte est passible de 2 ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende. Et hier, justement, une femme a fait croire qu'il y avait une bombe au Collège des Signes à Lompré-les-Corsins, à l'ouest d'Amiens. Elle est passée devant un juge aujourd'hui et est condamnée à 4 mois de prison ferme. Le ministère de l'Éducation nationale fait un nouveau bilan du nombre de perturbations dans les écoles lundi. Pendant les hommages rendus à Dominique Bernard, tué vendredi matin à Arras, et à Samuel Paty, décapité il y a 3 ans en région parisienne, il y a eu 357 perturbations et contestations des temps d'hommage. Le ministre Gabriel Attal avait précédemment fait état de 179 saisines du procureur de la République. Au Moyen-Orient, la France demande la libération de tous les otages, sans délai et sans condition. 24 de nos compatriotes sont morts, 7 sont encore disparus et plusieurs probablement retenus en otage à Gaza, a annoncé cet après-midi Elisabeth Borne devant le Sénat. Le Conseil d'État rappelle aujourd'hui qu'il revient au préfet d'apprécier au cas par cas s'il risque de troubles à l'ordre public justifie ou non une interdiction des manifestations pro-palestiniennes après l'ordre envoyé par Gérald de Darmanin de toutes les interdire. Après le loto du patrimoine, la première édition du loto de la biodiversité est lancée. Le principe est le même. En achetant des tickets de grattage Mission Nature, vous participez au financement de projets pour préserver la biodiversité. Le projet qui a été retenu dans la somme est celui de la préservation des tourbières alcalines méandres sur le site naturel du Marais d'Étiné en Méricourt. Mais Juliette Gloria, c'est quoi ce site ? Les tourbières alcalines méandres, un nom un peu compliqué, oui, pour désigner des zones indispensables à la nature. Imaginez de grandes étendues d'eau avec un pH dit alcalin, c'est-à-dire au-dessus de 7, ce qui permet à certains végétaux de se développer. Vous y verrez par exemple des saules, de la mousse, des bouleaux. C'est aussi le paradis des animaux, grenouilles, tritons, petits serpents et plein d'oiseaux dont certains sont très rares. Sans oublier les insectes, libellules, araignées et azurées des mouillères de jolis papillons bleus. Ces zones très humides sont aussi un vrai poumon vert puisqu'elles permettent de stocker une grande quantité de CO2. Alors on le comprend Juliette, c'est donc un site d'une grande richesse biologique, mais pourquoi a-t-il besoin d'être restauré ? Eh bien le problème est toujours le même, le changement climatique. Cela fait plusieurs décennies maintenant que le site se dégrade chaque année, alors pour sauver la tourbière, il faut l'entretenir. Ça passe par exemple par une meilleure irrigation, un contrôle de la qualité et du niveau de l'eau ou l'entretien des arbres. Le tout sur plus de 86 hectares tout de même, des travaux titanesques à plus d'1 million d'euros, une somme impossible à rassembler sans la participation de ce loto de la biodiversité qui devrait financer le projet à hauteur de 800 000 euros. Les précisions de Juliette Gloria et le jeu de grattage à 3 euros Mission Nature est disponible à compter du 23 octobre et en plus de participer à la conservation de la biodiversité. Il permet au passage de remporter jusqu'à 30 000 euros. La militante écologiste Greta Thunberg a été inculpée pour trouble à l'ordre public après une manifestation en marge d'une conférence de l'industrie pétrolière et gazière mardi à Londres. La Suédoise a été libérée sous contrôle judiciaire et comparaîtra devant un tribunal londonien le 15 novembre prochain. Et il pleut, ça y est, ça ne s'arrête plus du tout, Louis. Ça va continuer encore comme ça un petit moment. C'est de ma faute. Ah, J'ai chanté sur Céline Dion tout à l'heure. Ah, bah, désolée. Voilà. Vraiment. Oui, bon, bah, oui. Bah, bravo. Merci. C'est Louise, ça, c'est ça. Ben, bah, oui, je suis désolée. Il pleut. Et ça va durer toute la soirée avec des rafales de vent à peu près à 55 km/h. Il fait 15 degrés du côté de Doulan, 16 degrés à Amiens, Camon, 17 degrés du côté de Soissons ou encore Beauvais. Et demain, ce sera à peu près la même chose. Un ciel assez couvert, quelques averses et peut-être le retour du soleil. Timidement, demain après-midi. Et il fera assez doux, 15 degrés demain matin. La météo 100% locale avec Meubles Boucher à Talma. 2000 mètres carrés de meubles, salons, literie et déco. À votre service depuis 1946. Retrouvez-nous sur meubles-boucher.fr. De gros bouchons à vous signaler à Amiens, route de Paris. Comptez 20 minutes en plus de trajet si vous êtes sur le secteur. Si vous savez s'il y a une raison en particulier, peut-être un accident ou un véhicule en panne, n'hésitez pas à nous appeler au 03 22 92 58 58. Pour le reste, des ralentissements habituels à Amiens, route de Rouen, rue Saint-Fucien et puis à Beauvais. Comptez 8 minutes en plus de trajet si vous êtes sur la N31 aux alentours de Beauvais, donc de Terdonne à Wagicourt et dans le centre de Beauvais, avenue Kennedy et rue Clermont. Quelques coups de frein également, soyez très prudents avec la pluie, l'aquaplaning. Allez doucement pour rentrer à la maison. Et puis n'oubliez pas évidemment les feux de croisement quand il pleut. Et puis pour les trains, un retard à vous rappeler du côté de la gare d'Abbeville pour Calaisville, le train à 18h06, donc maintenant à 10 minutes de retard, et puis un train supprimé en gare de Beauvais, celui pour Paris Nord qui était prévu à 18h43. 18h-19h, 100% sport sur France Bleu Picardie. Chaque mercredi depuis quelques semaines, nous mettons en avant un club du rugby de la Picardie, et ce soir c'est au tour du rugby club de Noyon. On sera avec le président Bruno Morino. On va évidemment parler de ce sport, de ce club, et puis de Bruno aussi. On sera donc avec lui dans quelques minutes et jusqu'à 19h. Et puis on a un ballon de rugby à vous offrir aussi, un ballon de rugby France Bleu Picardie. C'est à gagner ce soir dans 100% sport. Et on vous accompagne aussi avec des souvenirs et des nouveautés dans toute la Picardie. Voici Abba, c'est Mamma Mia sur France Bleu Picardie. 18h07, bon début de soirée. Très bon mercredi 18 octobre. sur France Bleu Picardie avec Mamma Mia. Instantané trafic avec cet accident qui a eu lieu il y a déjà un peu moins d'une heure. On vous rappelle cet accident sur la N25 entre un bus et une voiture. Les secours sont sur place et donc c'est dans le sens Amiens-Doulan où vous pouvez compter 20 minutes en plus de trajet. Quelques bouchons également dans l'autre sens, c'est à hauteur de la Vicogne. Donc évitez le secteur sur la N25 et soyez très prudents. 100% sport avec notre invité Bruno Morino, président du rugby club de Noyon. Bonsoir Bruno. Oui, bonsoir, bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors évidemment, on va parler de rugby avec cette Coupe du Monde. D'abord, je suppose que vous êtes très déçu depuis le week-end dernier. Une très grande déception. Oui, une grosse amertume, une grosse déception, c'est tout. On avait tellement misé sur notre belle équipe de France. Malheureusement, le destin en a voulu autrement. Oui, je suppose que vous aviez beaucoup d'espoir. Énormément, surtout qu'on avait mis en place des activités, il y avait un prévisionnel d'activités sur les demi-finales, pour la demi-finale et pour la finale. C'est-à-dire ? On imaginait, on pensait bien arriver en finale, quand la France arrive en finale. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous savez, ça fait combien de temps qu'on n'a pas remporté la Coupe du Monde ? On l'a déjà remportée ? Nous n'avons jamais, la France n'a jamais eu cet honneur de remporter la Coupe de France, la Coupe du Monde. Ah, bon, peut-être la prochaine fois. Bon, évidemment, on va parler de la Coupe du Monde avec vous, et puis on va parler aussi de votre club du côté de Noyon. Il existe depuis 1966. Vous êtes président depuis 20 ans, je ne me trompe pas ? Oui, tout à fait. Le président depuis, derrière Alain Fontaine, j'ai repris la présidence, et depuis, je suis au rennes du club. Et alors, un beau classement pour votre club, comment ça se passe en ce moment ? Sportivement, vous savez, on a une Noyon, on est 14 000 habitants, pas forcément une population attirée par le rugby, plutôt par le foot, mais on a quand même 155 licenciés qui sont actifs, qui s'entraînent régulièrement. Une ambition en senior de monter en Régional 2 avec un nouvel entraîneur, pour pas le nommer, Benjamin Martin, et Romain Carlier, une paire de joueurs qui avaient été formés à Compiègne à l'époque et qui maintenant se retrouvent à Noyon à 33 ans. Ils viennent donner un coup de main à Noyon. C'est des gens qui avaient joué à Arras, à Amiens, à Beauvais, et ils étaient formés à Compiègne. Mais est-ce que vous trouvez quand même que le rugby devient de plus en plus populaire, qu'il attire de plus en plus quand même ? Ah oui, tout à fait. Surtout au niveau des jeunes, même des moins jeunes. Là, en senior, nous avons 33 licenciés. En senior, plus de 18 ans. Et au niveau des enfants, on a énormément de demandes, surtout une tranche d'âge des babies, de 3 ans à 6 ans. Oh, on a beaucoup d'enfants. Trop choupi, ça. Je savais pas que vous pouvez faire du rugby aussi jeune. Oh, un petit 3 ans comme ça, c'est vrai, qu'est-ce qu'ils font à cet âge-là? Oh, c'est beaucoup de la motricité. Avec un ballon ovale dans les mains, on a l'impression qu'ils jouent au rugby, mais c'est surtout sur la motricité. Ils se plaquent pas quand même, rassurez-moi. Pardon ? Il n'y a pas de plaquage quand même, rassurez-moi. À 3 ans. Il n'y a pas de plaquage. Non, parce que l'intérêt de l'école de rugby, c'est quand même d'essayer de les faire aimer le rugby et surtout qu'ils ne se blessent pas. Oui, bien sûr. Pour les garder le plus longtemps, pour essayer de garder leur licence ou l'enfant le plus longtemps possible. Soit la moindre blessure, un enfant, il pourrait arrêter, c'est que du rugby. Et c'est pour ça que vous avez des éducateurs diplômés chez vous, qui sont au nombre de 10. Oui, tout à fait. Alors, tous nos éducateurs sont diplômés en école de rugby, en senior aussi d'ailleurs. D'ailleurs, nous sommes labellisés par la Fédération Française de Rugby, club labellisé école de rugby. Et on va continuer de parler de votre club ce soir, Bruno Morino, président du Rugby Club de Noyon. Vous êtes avec nous jusqu'à 19h dans 100% Sport. Et c'est l'heure de jouer au 03 22 92 58 58 pour remporter votre ballon de rugby France Bleu Picardie. La question est simple. Contre qui jouera l'Argentine ce vendredi en demi-finale ? Contre qui l'équipe de l'Argentine en rugby pour cette demi-finale de Coupe du Monde jouera ce vendredi ? Vous nous donnez la réponse au 03 22 92 58 58. France Bleu Picardie. Chaque jour avant 10h, France Bleu Picardie se met en quatre pour vous faciliter la vie. Les spécialistes de notre région répondent à toutes vos questions. Droit, santé, vie quotidienne, conso, animaux, jardin, auto. Ne restez plus sans réponse. Direction francebleu.fr pour poser votre question et rendez-vous à 9h50 sur France Bleu Picardie pour entendre les conseils de nos spécialistes. France Bleu Picardie. Football. Nouveau match de l'Amiens, c'est ce samedi sur France Bleu Picardie. Les Amiénois en difficulté, sans victoire depuis 5 matchs, se déplacent ce week-end à Annecy. Direction la Haute-Savoie pour l'ASC. Avant match 18h45, coup d'envoi à 19h. Un match à vivre en intégralité avec Mathieu Dubrulle et Antoine Co. Annecy-Amiens, c'est ce samedi sur France Bleu Picardie et sur francebleu.fr. Le sport à l'honneur, c'est 100% sport sur France Bleu Picardie. 18h17, on le sait, l'Angleterre sera opposée à l'Afrique du Sud pour ses demi-finales de Coupe du Monde de rugby. Mais la question est, pour remporter votre ballon de rugby France Bleu Picardie, contre qui jouera l'Argentine ce vendredi 20 octobre? Vous nous donnez la réponse. Et peut-être à vous, le ballon de rugby. Et en attendant, on écoute Christophe Willem avec Je tourne en rond. Et puis on va retrouver notre invité tout à l'heure, Bruno Morino, président du rugby club de Noyon. Parti cœur au bois dormant, le sourire entre les dents, mon silence radio, souvenir fluo. Que reste-t-il maintenant? Kimono et bras ballants, seulement quelques mots à te dire tout haut. Je tourne en rond sans toi. J'oublie mon nom sans toi. Et je ferme les yeux autant que possible pour te revoir auprès de moi. Parti cheveux en bataille, faut voir comment je déraille, comment je perds mon sang froid en un instant. De samouraï, et moi qui cède sûrement à l'appel du vent. Je tourne en rond sans toi, j'oublie mon nom sans toi, et je ferme les yeux autant que possible pour te revoir auprès de moi. Je tourne en rond. Willem qui sera en concert chez nous le 25 novembre au Cirque Jules Verne à Amiens. Et vos places sont à gagner en ce moment sur France Bleu Picardie. À 18h20, oh bah mince, on avait Jean-Michel qui te téléphone et on a perdu notre gagnant. Bon, on va essayer de retrouver Jean-Michel. Et en attendant, notre invité Bruno Morino, lui, est toujours là, président du rugby club de Noyon. Vous êtes là, Bruno? Oui, tout à fait. Ah, ça va, vous n'êtes pas perdu. Bruno, on le disait, 155 licenciés dans votre club, donc ça va de quel âge à quel âge? De 3 ans jusqu'à... Oui, alors, de 3 ans à 68 ans. Et donc... 3 ans à 68 ans, 68 en équipe loisir. Et alors, quel est le plus gros, le plus haut niveau chez vous? Alors là, nous sommes à aujourd'hui, je vais dire, en deuxième série dans la régionale 3, et qui est régionale 3 Hauts-de-France. L'objectif, c'est de monter en régionale 2. À savoir que Noyon avait été le plus haut qu'il a été, c'était la première série. Donc, est-ce qu'il y a déjà eu à l'époque des participations au championnat de France ? Oui. Alors, nous avons eu le plaisir de faire plusieurs championnats de France, notamment deux où nous avons malheureusement été battus.